fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. L'Éternel inscrira dans les registres, ils sont nés en Sion. Toutes mes sources sont en toi.